Section 5 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 5. Une scène de collège par Paul Hervieux. Chapitre 5. Et cette inaction décevante continua pendant près d'une semaine. À midi, s'interdire les jeux quotidiens, séjourner dans l'atmosphère gelée, sans autre mouvement que celui de battre la semelle, vous l'avouerez, c'était intolérable. Les moyens suprêmes furent résolus. Au nom de l'honneur national, les Boulonnais conjurèrent Bonchon de se décider. Petit Roux alla même jusqu'à offrir sa suppléance pour la lice. Mais s'apercevant que sa proposition était sérieusement examinée par quelques-uns, il ajouta « Bien sûr, si je n'avais pas cette sacrée écharde au doigt du milieu. » Sous l'enseigne adverse, les 9 pensionnaires anglais relancèrent Grutsch par l'organe du grêle au skill qui s'évertua à rendre engageant l'aspect rigide de son teint d'ivoire. Azor et Jean profitèrent de ce que leur naissance exotique les dégageait des réserves du patriotisme, en adoptant l'excellente voie des injures. Ils glissèrent successivement dans l'oreille de Bonchon et de Grutsch que l'un était lâche, comme tous les Français, et l'autre comme tous les Anglais. Ce dernier procédé fut fécond. Bonchon et Grutsch répétèrent presque simultanément la phrase populaire dans le collège. « Soit, le compte sera liquidé avant les congés de Noël. » Au reste, c'était peut-être la première fois qu'il l'a prononcé. Quoi qu'il en soit, le soupir de soulagement fut général. Mais quand ça? Il n'y a plus que 3 jours. Eh bien, demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Sans accord préalable, instinctivement, Grutsch riposta « No » et Bonchon fit « Non ». « Allons pour demain », concédèrent Azor, Jean, Petit Roux, Osquil, les frères Bléant et leurs 79 collègues des grandes et moyennes cours réunis. Mais comme par un fait exprès, le lendemain, à midi, le terrain du combat était tellement couvert de neige qu'on interdit aux élèves de sortir. Des clameurs indignées ébranlèrent les cloisons des études. On renversait les bancs. Les parquets tremblaient sous la houle des piétinements. Le nègre Jean, dont le don frileux se dressait contre le poêle, conseilla de disposer un emplacement convenable au milieu de la pièce. Le juif Azor, dont le balai s'était si souvent escrimé à Vilna devant le seuil du cabaret de son oncle, se faisait fort de déblayer dehors un champ clos en 5 minutes. Bonchon et Grutsch, insinuait-il, s'y rendront seuls, et nous pourrons tous regarder à travers les vitres, en nous alignant par rang de taille. Les pions eux-mêmes, mis au courant de la question, sans opiner précisément, hochaient la tête, avec bienveillance, lorsqu'on affirmait qu'il valait mieux en finir, tout de suite, une bonne fois. Mais la discussion entre ces systèmes contraires, discussion maladroite s'il en fut, épuisa le laps de temps du loisir. Enfin, Dieu merci, 24 heures plus tard, le dénouement de l'intrigue devait arriver. Les assistants forment une double haie. À chaque bout de l'allée ainsi tracée, chaque adversaire, après l'invitation de ses tenanciers, s'avance derrière le rempart de ses bras, à la rencontre de l'autre. C'est la volonté de l'orgueil qui manifestement les dirige, malgré la voix de la nature. Les bas rouges de Grutsch s'agitent en de raides enjambées. Bonchon se rapproche plus lentement du but, et tandis qu'il se dandine d'un soulier sur l'autre, son impulsion ressemble à celle dont un sac de boue et lourd serait mu par un homme de peine. Bientôt, il se trouve face à face, muet, effaré, comme s'il cherchait en vain à comprendre quelque chose de terrible. Un silence mortel règne autour d'eux. Soudain, Bonchon recule d'un pas. Grutch avance d'autant. Bonchon met en mouvement ses bras, comme s'il dévidait un écheveau. À son tour, Grutch recule et Bonchon avance. Lestement, Grutch lui darde un talon puis l'autre, puis l'un puis l'autre, sur les orteils, et encore, encore, encore. Bonchon, qui bat en retraite de plus vite que lui permet sa corpulence, commet la faute d'égarer son attention sur la région attaquée. À cette seconde, Grutch l'appréhende de la main gauche par le gilet et lui imprime en longueur sur son granit quatre phalanges de droite qui sont dures comme des crans de fer. « Hurrah ! Hip hip ! Hurrah ! » entonne Osquil et plusieurs voix joyeuses. Cet enthousiasme grise le jeune Anglais. Sous le choc, Bonchon a été ébranlé. Tout étourdi, il éternue. Son front dodeline, ses narines saignent. Son ennemi qui a hâte d'en terminer se rue, le buste ployé, la pointe du crâne en avant. « Gare, Bonchon !» acclamé Petit Roux. À l'instant où Grutch va l'aborder, Bonchon pivote en faisant un collet de l'ouverture d'un de ses coudes, qu'il referme aussitôt que le gibier s'est pris aveuglément dans le piège. Les jambes et les bras de Grutch sillonnent éperdument le vide. Derrière Bonchon, qui serre, qui serre, qui serre. Oh, les yeux de Grutch alors, leur désespoir jette un éclair bleu, vite éteint par deux larmes. Ses paupières roses se convulsent et il pousse un cri si inhumain et si perçant qu'on jurerait entendre un petit goré imprudemment engagé entre les barreaux d'une palissade. Mais voilà que le bras libre de Bonchon se met à tourner comme une aile de moulin sous la tempête subite et qu'à chaque tour, il s'accroche dans une saillie ou un creux de la figure de Grutch. Des bravos assourdissants éclatent. « Hardi Bonchon ! Hardi Bonchon !» Le nègre Jean écume, et de ses lèvres blanches s'échappe un gloussement dont les loups auraient peur. Azor trépigne en suggérant avec insistance « Attention au principal !» Des interpellations ironiques se détournent jusque vers la petite phalange anglaise où Osquil et ses compatriotes, très loyalement d'ailleurs, marmottent « Well, all right, go on ». Et à des intervalles très courts, apparaît au-dessus de l'assistance comme une balle élastique, la frimousse ronde de Bléant III, qui, trop petit pour rien voir du second plan, saute sur place et sa bouche, sa mignonne bouche de premier communiant, vocifère plus haut que toutes. « Hardi Bonchon ! Hardi Bonchon !» Combien de minutes se sont écoulées ? Grutch est enfin lâché. Il trébuche, si penché vers la terre que tout le monde tressaille quand, par un soubresaut d'une prodigieuse détente, il se redresse pour se rabattre à la renverse. Les surveillants assistés d'Azor et d'Osquil transporte dans la loge du concierge qui se réécrit la victime inanimée. Déjà, Bonchon sent maudire, les manches retroussées, se rince le visage à la fontaine. Entre ses semelles, un ruisseau court sanguinolent. Bléant 1, Bléant 2, Bléant 3, Petit Roux, l'assaille de demande. « Ça te cuit-il fort, Bonchon ?»« Bonchon !» Que ta flanelle est tachée. Tu perds ta cravate. Tiens, là, Bonchon, tous tes boutons qui déboulinent. C'est surtout la pointe des pieds, grommelle seulement le vainqueur. Un quart d'heure plus tard, Grutch réapparaît fort congestionné, en tête du cortège qu'il a emporté. Sa démarche est mal assurée. Néanmoins, il se dirige droit vers Bonchon, qui, inquiet, se rétablit sur la défensive. Mais Grutch tend aussitôt une main cordiale, dans laquelle Bonchon s'empresse d'apposer ses doigts humides et froids. Ensuite, Bonchon ouvre de nouveau la boucle de son coude gauche et il insère le poignet de Grutch dans la place même de l'étau qui venait de servir au vaillant martelage. Puis ce singulier attelage se met en branle, l'un sautillant comme un kangourou blessé, l'autre oscillant, dégrafé, et semant le sol de petits lambeaux de drap, comme perd ses substances un sac crevé qu'on déplace. Et tous les deux, érigeant leur face tuméfiée, très fiers, très amis, ils parcourent 25 fois le circuit de la cour, bras dessus, bras dessous, salués au passage par cet incessant tonnerre d'applaudissements dont leur lutte a d'abord déchaîné l'orage. Fin de la section 5, lue par Margot.